Parmi les ruines de mes passions, au fond de cette âme que tu ne réjouis plus, poussière de rêves et d'illusions, Giz engourdit mes fleurs noires. Elles sont le souvenir de nos heures où tu t'assoupissais dans mes bras, tandis que je soupirais pour les aurores. Elles sont mes douleurs, bourgeons avortés dans les crevasses humides de mes montagnes. Elles sont tes dédains et tes reproches, cachés dans cette âme que tu ne réjouis plus, venue des pôles gelés, mes fleurs noires. Garde donc mes tulipes rouges, je t'offre pour ces adieux glacés. Garde-les, ne crains rien, ce ne sont que des bris de mes douces heures d'amour avec toi. Garde donc mes tulipes rouges, je t'offre pour ces adieux glacés. Garde-les, ne crains rien, ce ne sont que des bris de mes douces heures d'amour avec toi.